إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue notre dars, c'est aujourd'hui le dars numéro 4 dans l'explication ou la lecture du livre Ta'lifun Cheikh Abdul Aziz Raïs ibn Abdul Aziz ibn Raïs al Raïs. Raïs. Et qu'est-ce qu'il le titre c'est Ta'kid al-Musallamat al-Salafiyya. Donc on continue. On avait lu la dernière fois la citation de l'imam ou les citations de l'imam Abu Nasr al-Sajdi. Et son nom au complet, Abu Nasr al-Sajdi, c'est Ubaydullah ibn Sa'id ibn Hatim al-Sajdi. Et il est mort en l'an 444. Il est mort en l'an 444. Donc je vous avais dit la dernière fois que j'allais vous donner la date de sa naissance et la date de sa mort. La date de sa naissance, elle n'est pas connue, mais on connaît la date de sa mort, et c'est 444. Donc, son nom c'est Ubayd ibn Sa'id ibn Hatim al-Sajdi Abu Nasr. C'est sa kunya. Et on a lu les paroles attribuées à cet imam, qui sont dans son livre, Ar-Radd ala man ankara, Ar-Radd ala man ankara al-harf wa al-sawt. Et on avait mentionné ça, donc maintenant on est arrivé aux paroles de l'imam Muhammad ibn Ahmad ibn Khouwaiz Mintad al-Misri al-Maliki rahimahullah. Donc les paroles de cet imam Muhammad ibn Ahmad ibn Khouwaiz Mintad al-Misri al-Maliki, il dit faqad rawa anhu ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله أنه قال في كتاب الشهادات في تأويل قول مالك لا تجوز شهادة أهل البدع والأهواء قال أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم فهو من أهل الأهواء والبدع أشعريا كان أو غير أشعري ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبدا ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمات عليه استتيب منها. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Muhammad ibn Ahmad ibn Khouwaiz Mintad al-Misri al-Maliki. Ça a été rapporté par l'imam Ibn Abdul Barr dans son livre Al-Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadlih. Il a dit que cet imam a dit dans le chapitre des témoignages dans le livre de Fiqh, dans Al-Shahadat, pour expliquer les paroles de l'imam Malik qui a dit qu'on devrait, on ne doit pas accepter ou qu'il est interdit d'accepter le témoignage des gens de Bid'ah et des gens de passion. Donc pour expliquer cette parole de l'imam Malik, parce qu'on sait que l'imam Malik a interdit de prendre le témoignage des gens de Bid'a et des gens de Ahwa. Donc, l'imam Muhammad ibn Ahmad ibn Khouwaizindad, il explique cette parole de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, et il dit que les gens de Bid'a et les gens de Ahwa, pour l'imam Malik et pour les autres imams, ce sont les gens de Kalam, les gens Ahlul Kalam qu'on les appelle. Hein. Donc toute personne qui touche ou qui a un lien avec Ahlul Kalam et qui est un mutakallim, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille ou qui étudie ou qui enseigne Ahlul Kalam et qui mélange Ahlul Kalam avec la croyance et les questions en rapport avec l'islam, donc ce sont eux qui sont considérés comme étant des gens de Bid'a. Donc, maintenant, ce sont eux qui sont considérés comme étant les gens de Ahwa et de Bid'a. Et ici, il dit Ash'ariyan kan aw ghayr ash'ari la tuqbalu lahu shahada fi l'islam abadan. Donc ici, on voit le but d'avoir mentionné cette citation-là, parce qu'on est en train de montrer les paroles des imams de Ahl Sunnah wal Jama'a qui ont expliqué que les Asha'ira ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, mais qu'ils sont parmi les gens de Bid'a. Donc on voit ici un exemple clair de ça, parce que l'imam, il dit que pour l'imam Malik et les autres imams de l'islam, tous ceux qui ont rapport avec Ahlul Kalam sont des gens de Bid'a. Et donc, le cheikh il dit, peu importe qu'il soit Ash'ari ou non Ash'ari, s'il touche au ilm al-kalam, il est un mubtadi' et il fait partie des gens de Ahwa. Et donc ça veut dire qu'il considérait les Ash'ara comme étant des gens de Kalam et donc comme étant des gens de Ahwa. Et le cheikh il dit qu'on ne doit pas accepter jamais leur témoignage. Hein? On ne doit jamais accepter leur témoignage, et il dit « wa yuhjar », c'est-à-dire on doit le boycotter et s'en éloigner, hein, couper les liens avec lui, ne pas lui adresser le salam et s'éloigner de lui. « wa yu'addab », et on doit aussi c'est-à-dire lui donner une leçon pour, à cause de sa bid'a, il doit être puni d'une certaine façon. Et s'il n'abandonne pas et qu'il continue sur sa bid'a, dans ce cas-là, on doit lui demander de se repentir. Ça, c'est bien entendu en ce qui concerne les questions de punition, puis de istitaba et tout ça, ça c'est pour les dirigeants qui font ces choses-là. Donc ça, c'est la parole de l'imam Muhammad ibn Ahmad al-Maliki. Maintenant, la quatrième exemple, c'est les paroles de l'imam Ibn Qudama al-Maqdisi, un des grands ulama. Il dit, rahimahullah, avant de mentionner sa citation, il dit « قَدْ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ مُبْتَدِعَةٌ فَقَالَ فِي كِتَابِ الْمُنَاظَرَةِ فِي الْقُرْآنِ وَلَا نَعْرِفُ فِي أَهْلِ الْبِدَعِ طَائِفَةٌ يَكْتُمُونَ مَقَالَتَهُمْ ويتجاسرون على إظهارها إلا الزنادقة والأشعرية. Donc le cheikh ici, il dit que l'imam Ibn Qudama a mentionné que les Asha'ira sont des Mubtadi'a dans son livre qu'il a écrit à propos du Coran. Il a dit, et on ne connaît pas parmi les gens de Bid'a un groupe qui cache plus leur position et qui évite de l'exposer ou de la montrer ouvertement, excepté les zanadiqa et les ash'ariya. Az-zanadiqa c'est qui? Yani, az-zanadiqa c'est, on peut dire des groupes de musulmans qui sont hérétiques, hein, et az-zanadiqa en fait c'est les munafiqoun, qui montrent le contraire de ce qu'ils croient. Et on les appelle comme ça, Az-Zanadiqa. Donc, Az-Zanadiqa et Al-Ash'ariya. Donc, il a considéré, l'imam Ibn Qudama, il a considéré les gens de Al-Ash'ariya comme étant des Mubtadi'a, et il les a mis en comparaison avec les zanadiqa. Pourquoi? Parce qu'ils cachent leur, la réalité de leur croyance. Hein? Comme par exemple quand on a donné l'exemple la dernière fois à propos de Al-Kalam. En apparence, ils disent Kalamullah ghair makhlouq. Hein? En apparence, ils disent Kalamullah ghair makhlouq. Toutefois, quand on leur demande de détailler, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça, ils détaillent et ils disent on ne parle pas du Coran qu'on lit maintenant, mais on parle de la parole qui est à l'intérieur d'Allah, qui est une parole unique, qui ne change pas et qui se qui n'est pas composée de lettres et qui n'est pas composée de qu'on n'entend pas, c'est-à-dire elle n'est pas avec, c'est-à-dire on l'entend, elle n'est pas audible, c'est pas une voix qu'on peut entendre. Et il nie donc la voix d'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala le prononce et parle avec avec sa voix, comme c'est mentionné dans les hadiths authentiques à ce sujet-là. Comme il dit dans un hadith dans Sahih al-Bukhari qu'au jugement dernier, il va appeler les gens, il sayunadi bisaut, hein, yunadi bisaut. Hada, yani, mawjoud fi sunna, wa huwa sahih. Donc, celui qui envoie la, qui veut essayer de nier la voix, donc c'est comme si il nie quelque chose qui est affirmé et confirmé dans la sunna. Après, qu'est-ce qu'il dit, Ils disent que le Coran, ouais, les Asha'ara, ils disent que, en apparence, le Coran il est غير مخلوق. Mais quand ils disent غير مخلوق, c'est-à-dire non créé, ils ne parlent pas du Coran qu'on lit et qu'on récite dans la prière, ils parlent d'une parole qui est abstraite. En réalité, qui n'existe pas. C'est-à-dire, il parle d'une chose qui est à l'intérieur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on ne peut pas entendre, qui n'est pas composée par des lettres. D'accord? Eux, ils disent ça, c'est pas créé. Mais le Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils disent que ça, c'est créé. D'accord? Donc, c'est la même chose que la parole des Mu'tazila et des Jahmiyyah. Sauf qu'elle est camouflée. Non, parce qu'à l'époque de l'imam Ahmad, Abu al-Hassan al-Ash'ari, il n'était pas encore, il n'était pas encore connu, yani. Il est né en 270. Donc l'imam Ahmad est mort en 241, tu comprends? Donc l'imam Ahmad est mort avant la naissance de Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc les gens avec qui l'imam Ahmad a eu des problèmes durant sa vie, c'était pas les Asha'ira, c'était les Mu'tazila et les Jahmiya. Ils croient à ça eux aussi. Sauf que l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a étudié avec Abu Muhammad, ou bien il a pris sa connaissance ou ses compréhensions de la religion de Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab. C'est lui qui a été, disons, son inspiration, ou bien son, c'est de là qu'il a pris ses arguments pour réfuter ou pour essayer de répondre au Mu'tazila. Et Abu Muhammad ibn Abdullah, ou Abu Muhammad Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab, il est mort en 241, c'est-à-dire 2 ans après la mort de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et lui, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il a étudié avec les livres de Abu Muhammad ibn Kullab. Et c'est pour ça que l'imam Ahmad, nous on dit l'imam Ahmad, durant sa vie, il a critiqué Abu Muhammad Abdullah ibn Kullab, et à même époque, et il a dit que c'était un mubtadi', et il n'acceptait pas que les gens prennent de lui et que les gens s'assoient avec lui. De même que Al-Harith Al-Muhasibi, qui était aussi avec la, dans, sur la même voie que Ibn Kulab, qui faisait partie des gens de Ilm al-Kalam. Donc, on dit que, étant donné que l'imam Ahmad a déclaré que Ibn Kulab et Al-Harith al-Muhasibi et ces gens-là sont des Mubtadi'a, donc tous ceux qui ont suivi cette voie, même après l'imam Ahmad, sont considérés eux aussi comme étant des gens de Bid'a. La différence avec, entre la position de Mu'tazila et de Jahmiya et la position de Ibn Kulab et de ceux qui les ont suivis, comme Al-Ash'ari durant sa période intermédiaire, après qu'il a quitté les Mu'tazila, la différence entre les deux, c'est que les Mu'tazila disent ouvertement qu'est-ce qu'ils pensent et qu'est-ce qu'ils croient. Et ils ne tournent pas en rond. C'est-à-dire, ils disent, nous, on croit que le Coran est créé. Et on croit que Allah est partout. Et il nie que Allah est au-dessus de son trône. Et il nie tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que les Asha'ira, ils affirment en apparence, mais ils nient les significations et les détails. Alors, ils sont, disons, plus dangereux d'une façon, et plus rusés que les Mu'tazila. Parce que les Mu'tazila, eux, en apparence, c'est clair. On voit qu'ils sont déviés, on voit qu'ils sont égarés. Et les Jahmiyyah encore plus. Parce que les Jahmiyyah, ils nient tout. Ils nient les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Les Jahmiyyah, les ulama ont dit que les Jahmiyyah sont des kuffars. C'est vrai? Ils vivent plus comme un groupe ou comme une organisation, sauf que beaucoup de leurs idées existent encore à travers les différentes sectes, à travers les Shi'as, parce que les Shi'as sont des Mu'tazila, et les Mu'tazila ont pris, à l'origine, viennent des Jahmiyyah, ou bien ils ont des influences des Jahmiyyah, parce qu'ils nient les attributs d'Allah, tu vois, et les Asha'ira existent aussi, et ils ont beaucoup des Bid'ah qui sont à l'origine venus des Jahmiyyah. Donc à cause de ça, on dit que même si les Jahmiyyah n'existent plus, mais ils ont quand même une présence à travers les différentes sectes qui existent, d'accord, parmi les autres firaq dans le monde musulman. Donc ça c'est, disons, pour clarifier à ce sujet-là. Maintenant, le cheikh il mentionne une autre citation de l'imam Ibn Qudama à ce sujet-là, et en fait, c'est comme si en réalité, il mentionne la citation de l'imam Muhammad ibn Ahmad ibn Khuwayz Mindad al-Misri al-Maliki, sauf que c'est l'imam ibn Qudama qui la cite dans son livre. Le cheikh il dit qala fi kitab تحريم النظر في كتب الكلام وقال أحمد بن إسحاق المالكي أهل الأهوى والبدع عند أصحابنا هم أهل الكلام فكل متكلم من أهل الأهوى والبدع أشعريا كان أو غير أشعري لا تقبل له الشهادة ويهجر ويؤدب على بدعته فإن تمادى عليها استتيب منها. Donc ça c'est la citation qui est attribuée à l'imam Ahmad ibn Ishaq al-Maliki dans le livre de l'imam Ibn Qudama qui s'appelle « Tahrim al-Nazar fi Kutub al-Kalam ». C'est-à-dire, le titre du livre c'est « L'interdiction de regarder dans les livres de Kalam ». Donc, dans ce livre-là de l'imam Ibn Qudama, il cite les paroles de Ahmad ibn Ishaq al-Maliki qui sont les mêmes que celle de Muhammad ibn Ahmad ibn Khuwayz Mindad. Et c'est quoi cette parole? C'est, il dit que l'imam Ahmad ibn Ishaq al-Maliki a dit que les gens de Ahwa et de Bida, pour nos compagnons, c'est-à-dire pour les compagnons de l'imam Malik et ceux qui ont suivi son madhab, ce sont les gens de Bida et de Ahwa, pour eux, sont les gens de Kalam. Ahlul Kalam. Et donc il dit que toute personne qui est mutakallim, c'est-à-dire qui rentre dans Ilmul Kalam, il fait partie des gens de Ahwa et de Bida. Peu importe qu'il soit ash'ari ou non ash'ari. C'est-à-dire, ça a été, c'est égal, qu'il soit ash'ari ou non. Il fait partie de Ahlul Bida' wal Ahwa. Et les gens, les ash'a'ira sont des Ahlul Kalam. Et il y a des Ahlul Kalam qui ne sont pas ash'a'ira aussi. Donc, le cheikh, il explique ça pour généraliser, pour expliquer que la règle, c'est que pour eux, ce sont les gens de Kalam qui sont des Mubtadi'a. Bien entendu, il y a d'autres Mubtadi'a aussi, mais ceux-là sont les plus connus par rapport, ou sont les, parmi les groupes les plus déviés parmi les gens de Bida'a, qui sont les gens de Kalam. Okay. Ils parlent de Dieu en se basant sur la philosophie. Ils parlent de c'est pas, c'est pas l'intelligence, mais c'est plutôt la logique grecque et la logique d'Aristote, Platon, puis des philosophes grecs. Donc pour eux, ça c'est la façon de comprendre le Coran, c'est de les interpréter selon ces philosophies-là et selon ces idées-là. Donc quand ils parlent de Dieu, ils disent des choses vraiment graves pour dire qu'est-ce que Dieu n'est pas. Et pour dire qu'est-ce que Dieu ne fait pas ou qu'est-ce qu'il fait, et ils établissent des règles, puis par la suite, ils regardent tout ce qui est contraire à ces règles-là dans le Coran, ils le déforment, ils changent leur signification. Donc eux, ils vont dire par exemple, Dieu il ne bouge pas. Donc tout attribut qui implique un mouvement, ils vont le nier. Par exemple, al-istiwa, al-nuzul, al-etian, al-maji, al-khalq, hein. Tous ces attributs-là sont des attributs d'action, hein. Et des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tout attribut qui implique une action, il le nie, hein. Indirectement ou directement. Ça dépend. Ou bien il déforme le sens de l'attribut pour lui donner une autre signification, pour nier la réalité de cet attribut. Ou bien ils vont, juste dire qu'on ne comprend pas la signification de ces mots-là et qu'on ne les connaît pas. Comme si c'était des mots en chinois ou en d'autres langues qu'on ne peut pas comprendre. Et donc, ils attribuent donc soit le tafwid ou le ta'wil, un des deux. Mais en réalité, leur le tafwid, c'est pour eux le tafwid de la signification, et non pas le tafwid du kayf, tafwid ou le kayfiyya. Parce que les salafs, ils faisaient le tafwid, mais le tafwid ou le kayfiyya, le tafwid du comment. Parce qu'on ne peut pas connaître comment est Allah subhanahu wa ta'ala et comment il fait les actions qu'il fait. Allah. Mais toutefois, al-ma'na, on le connaît. Donc on ne peut pas le tafouiller de la signification des mots, parce que ces mots-là sont connus dans la langue arabe. Wal kayf majhoul, exactement. Donc il y a ça, puis il y a aussi... l'autre exemple aussi à propos de At-Ta'wil, ben pour eux le Ta'wil, c'est le Tahrif, comme on a expliqué ça dans les cours précédents. Donc le chef il dit que on ne doit pas accepter le témoignage de ces gens-là. Leur témoignage, quand on veut dire le témoignage, c'est pas le témoignage de la ilaha illallah, comme certains ont compris dernièrement, quand j'ai fait la khutbah à propos de la barbe et que j'ai mentionné que les ulama ont dit qu'on n'accepte pas le témoignage ou le shahada de la personne qui rase sa barbe, et ils ont pensé que j'ai parlé du shahada de la ilaha illallah. Mais ça c'est pas ça la signification. Quand tu lis dans les livres de fiqh, il y a un chapitre qui s'appelle Kitab al-Shahadat, et ça a rapport avec les témoignages lorsque tu vas devant le juge et qu'on te demande de témoigner en faveur de quelqu'un ou contre quelqu'un. Ça, on appelle shahada, c'est un témoignage, et c'est de là que vient shahada tuzur. Quand quelqu'un fait un faux témoignage, on appelle ça shahada tuzur. Et ça n'a pas rapport avec le qu'est-ce qu'on dit quand on parle de la ilaha, le shahada de la ilaha illallah, c'est pas de ça qu'on parle dans ce contexte-là. Donc quand les cheikhs ils disent kitab shahadat et le témoignage, on n'accepte pas le témoignage des gens de Bid'a, ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas leur témoignage, c'est-à-dire quand ils disent la ilaha illallah. Non, ça on accepte, parce que ce sont des musulmans, tant qu'ils ne font pas quelque chose qui nie le, ou qui détruit leur shahada ou leur iman, leur foi, hein, comme nawaqid al-islam par exemple, les choses qui annulent l'islam. Mais tant qu'ils n'ont pas établi ça, donc quand ils vont devant le juge, on va pas accepter leurs témoignages si ce sont des jeunes bid'ah. Et bien entendu, il y a des détails au sujet de cette question-là dans les livres de fiqh et dans les paroles des imams d'Ahl Sunnah à ce sujet-là. Mais c'est juste pour spécifier et clarifier cette question pour pas que certaines personnes comprennent pas comprennent mal. Exactement, c'est comme le... Exactement. Donc, comme pour le zina, il faut qu'il y ait un témoignage de 4 personnes. Mais il y a des, comme je te dis, il y a des tafsirs. Faites des tafsirs. Peut-être que dans certaines situations, ils peuvent accepter le témoignage de certains, mais ça dépend lesquels et ça dépend dans quel contexte et pour quelles raisons. Et là, il y a des conditions. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a des détails des fois à ce sujet-là. Et il dit yuhjar, ça veut dire al-hajr, ça veut dire que on coupe cette personne, ça veut dire on ne lui adresse plus la parole, on s'éloigne de lui, on ne lui donne plus le salam, et c'est-à-dire on coupe toutes les relations et les liens avec cette personne. Non, ça, on parle pas de la barbe, on parle des gens de bid'a maintenant, ok? Mais il faut voir, les ulama ont expliqué souvent qu'il faut voir par rapport à al-maslaha, dans le sens que si tu sais que le fait de le boycotter va le ramener au droit chemin, qu'il va comprendre, qu'il va sentir que les gens s'éloignent de lui, puis que ça va le ramener à se remettre en question, puis à se repentir, et à revenir plus près de la sunna, dans ce cas-là, oui. Mais certains ont expliqué que, parmi les ulama, certains ont expliqué que, dans certains cas, il faut voir la situation et le contexte. C'est-à-dire la position des gens de Ahl Sunnah dans la société. Est-ce qu'ils sont en force? Est-ce qu'ils sont nombreux? Est-ce qu'il va, la personne va revenir? Ou bien est-ce que les gens du mal sont plus nombreux, ils sont plus en force, et qu'ils vont au contraire, disons, l'amener vers eux, plutôt que de le ramener vers la, ou plutôt qu'il va se ramener vers la sunna. Donc, il faut prendre ça en considération. Il y a des détails à ce sujet-là, mais c'est juste, je mentionne ça juste comme ça, en passant, juste pour faire savoir en réalité que il y a des détails au sujet de cette question-là aussi. Et le cheikh il dit après, وَيُؤَدَّبْ عَلَى بِدْعَتِهِ. C'est-à-dire, il doit être puni, il doit avoir une correction pour cette bid'a qu'il fait. Ça, c'est, bien entendu, les gens qui sont au pouvoir, les dirigeants, les juges, qui vont établir ces punitions-là sur lui s'il nécessite une punition. Soit que ce soit l'emprisonnement ou une punition, quelconque. Et c'est le juge qui décide de ça dans un pays musulman. فَإِنْ تَمَادَ عَلَيْهَا اِسْتُتِيبَ عَلَيْهَا اِسْتُتِيبَ مِنْهَا. Mais s'il persiste dans cette bid'a, dans ce cas-là, on va lui demander de se repentir, et sinon, il risque une punition plus grave. D'accord? Comme c'est mentionné dans les livres de fiqh à ce sujet-là, et dans les livres de aqida aussi. Donc le cheikh il mentionne ensuite une autre citation ou d'autres citations de l'imam Abu Hamid al-Asfaraini. Bien entendu, ça dépend aussi du degré de bid'a et de la catégorie de bid'a. Le cheikh nous dit que Abu Hamid al-Asfaraini, son nom c'est Ahmed ibn Abi Tahir. Il est né en 344 et il est mort en 406 Hijri. Et il ne faut pas confondre entre Abu Ishaq al-Isfaraini et Abu Hamid al-Isfaraini. Parce que Abu Ishaq al-Isfaraini, c'est Ibrahim ibn Muhammad et il est mort en 418. Tandis que Abu Hamid al-Isfaraini, il est mort en 344 et il est mort en 406, et son nom c'est Ahmed ibn Abi Tahir. Abu Ishaq al-Isfaraini est un mutakallim, fait partie des gens de al-Mukalam. Tandis que Abu Hamid al-Asfaraini, il fait partie des ulama qui étaient sur la voie des salaf. Donc il dit, le cheikh قال ابن تيمية في درء التعارض قال الشيخ أبو الحسن كان الشيخ أبو حامد الأصفرايني شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام قال ولم يزل الأئمة الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري ويتبرؤون مما بني أو مما بنى الأشعري مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمن ابن أحمد ابن علي الساجي يقولون سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الأصفرايني إمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قال الإمام أحمد لا كما يقوله الباقلاني تكرر ذلك منه جمعات فقيل له في ذلك فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاح ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر ابن الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة فيظن ظان أنهم مني تعلموه قبله وأنا ما قلته وأنا بريء من مذهب الباقلان وعقيدته دونك الإمام Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il cite dans son livre Dar al-Ta'arud, Bayn al-Aql wa al-Naql, il dit que le Cheikh Abu al-Hassan a dit que le Cheikh Abu Hamid al-Isfara'ini, il était très dur. Hein, il était très dur dans sa réfutation et dans son rejet de al-Baqilani et de ses compagnons. Parmi les gens de Kalam. L'imam al-Baqilani, c'est un des élèves de Abu al-Hassan al-Ash'ari qui a suivi sa voie intermédiaire et qui est rentré dans ilm al-Kalam. Donc, l'imam Abu Hamid était dur contre lui et contre ces gens qui ont suivi cette voie parmi les gens de Kalam. Et il dit, et les imams de, parmi les imams de الشافعية c'est-à-dire les imams du madhhab الشافعي ils ont toujours détesté et يعني refusé qu'on les attribue au madhhab الشعري là il parle des premiers imams parmi les gens qui ont suivi les fondements et les principes de l'imam الشافعي pardon parce que les imams aujourd'hui, parmi les Shafi'iyya, parmi les gens qui se disent Shafi'i, ils ont contredit la position de l'imam Shafi'i dans les questions de l'Aqidah et ils ont suivi la position de l'Ash'ari. Et ils sont la plupart d'entre eux des Ash'a'ira. C'est pour ça que si tu vas par exemple dans différents pays musulmans où ils enseignent et ils suivent le madhhab al-Shafi'i, ils te disent qu'ils sont Ash'ari dans l'Aqidah. Pourtant, l'imam al-Shafi'i n'était pas Ash'ari puisqu'il est né, puisqu'il est mort plusieurs années avant la naissance de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Il est mort avant l'imam Ahmad. Et l'imam Ahmad est mort en 241. Et l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, il est né en 270. Donc il était bien avant Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et quand on regarde les fondements de l'imam al-Shafi'i, qui a affirmé les attributs et qui réfutait les Mu'tazila et qui réfutait les Jahmiyyah, à propos des attributs d'Allah, on voit qu'il était complètement en contradiction avec la aqida des Ash'ara. Et donc, de se prétendre, comme par exemple aujourd'hui les Ahbash, ceux qui suivent Abdullah al-Harari, celui qui est un Éthiopien qui a établi cette secte maintenant, qui est répandue maintenant un peu partout, en France, même ici en Amérique du Nord, puis au Liban, puis dans d'autres pays, et bien ces gens-là, ils disent qu'ils sont Ash'ara. Pardon, ils disent qu'ils sont Ash'ara, mais ils disent qu'ils sont aussi Shafi'iyah, et qu'ils suivent le madhhab de l'imam Shafi'i dans le fiqh. Et pourtant, dans l'aqidah, ils ne suivent pas l'aqidah de l'imam Shafi'i. Donc on voit ici un exemple de l'imam Abu Hamid, qui était un des imams parmi les plus importants parmi les imams du madhhab al-Shafi'i de l'époque, Abu Hamid al-Isfaraini, et il dit que les imams de l'époque, ils détestaient qu'on les attribue à al-Ash'ari, et ils se désavouaient de ce que l'imam al-Ash'ari avait utilisé comme fondement pour établir son madhhab dans l'aqidah, et ils interdisaient à leurs compagnons de tourner autour de ces fondements-là et de ces principes de l'imam al-Ash'ari qu'il avait pris durant sa position intermédiaire après avoir quitté les Mu'tazila. Donc, il dit qu'il a entendu plusieurs parmi les mashaykhs et parmi les imams, parmi eux al-Mu'tamin ou al-Mu'taman ibn Ahmad ibn Ali al-Saji, il disait, ces imams parmi les imams, et entre eux, parmi eux, il y avait Al-Hafiz Al-Mu'taman ibn Ahmad ibn Ali Al-Saji. Il disait, on a entendu un groupe parmi les savants, parmi les mashaykhs qui sont fiables, qui ont dit que le Cheikh Abu Hamid Ahmad ibn Abi Tahir Al-Asfaraini, qui était l'imam des imams de son époque, celui qui a rempli l'affaire de ilm, et d'élèves, qui l'ont suivi, il a dit que lorsqu'il allait vers la mosquée pour faire la prière de Jumu'ah, il arrivait à un endroit près de la mosquée et il disait aux gens qui étaient là, soyez témoins que je dis que le Coran est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée. Comme l'a dit l'imam Ahmad, non pas comme l'a dit Al-Baqilani. Donc il se désavouait des paroles de Al-Baqilani et des Asha'ira. Et il disait, je témoigne que le Coran et la parole d'Allah n'ont créé, comme l'a dit l'imam Ahmad, non pas comme l'a dit Al-Baqilani. Parce qu'Al-Baqilani, il disait, en privé avec ses élèves, il dit, il est créé, le mushaf, qu'est-ce qui est dans le mushaf, qu'est-ce qu'on récite dans la prière et qu'est-ce qu'on récite dans le mushaf, il dit que c'est créé, mais en privé, il dit, et quand c'est en privé, il dit que c'est créé, mais quand il dit ça devant les gens, il dit non, le Coran n'est pas créé. Mais quand il dit qu'il n'est pas créé, il ne parle pas de qu'est-ce qu'on récite dans le mushaf, il parle de qu'est-ce qui est soi-disant une parole abstraite qui est en Allah, comme on a dit tout à l'heure. Donc, ça c'est la position de Al-Baqilani et d'autres, parmi les, comme Ibn Kullab et d'autres parmi ces gens-là. الشيخ الذي تكرر ذلك إلى الإمام أبو حامد الأسفرايني إلى في ساعة plusieurs reprises réunir les gens et leur dire dites, témoignez que moi je dis que le Coran est la parole d'Allah et qu'il n'est pas créé, comme le disait l'imam Ahmad et non comme le disait Al-Baqilani. Donc, les gens ont dit, pourquoi tu dis ça à chaque vendredi, tu réunis les gens et tu leur dis ça. Il a dit, c'est pour que cette parole-là soit répandue parmi les gens, et parmi les gens de bien, et parmi les gens qui viennent comme ça, cette parole va être répandue dans le pays, et ils vont savoir que moi je me désavoue, et que je n'ai rien à voir avec eux, les Asha'ira, et que je me désavoue du madhhab de Abu Bakr ibn al-Baqilani. Parce qu'il y avait un groupe parmi les gens qui prétendaient être des fuqaha, ou bien qui essayaient d'étudier le fiqh, et c'était pas ça, parmi eux c'était des élèves qui étudiaient le fiqh, mais qui étaient des étrangers. Et ils rentraient en cachette chez l'imam al-Baqilani pour lire les livres de kalam. Hein? Et donc, ils rentraient chez al-Baqilani pour lire les livres de kalam, et lorsqu'ils retournaient à leur pays, ils montraient leur bid'ah, et les gens croyaient qu'ils étaient venus à étudier ça de chez moi. Ils venaient à la ville de l'imam Abu Hamid, ils quittaient leur pays, ils venaient étudier le fiqh, mais en cachette, ils allaient étudier avec al-Baqilani, ilm al-Kalam. Quand ils retournaient dans leur pays, quand les étudiants qui étaient venus étudier le fiqh retournaient chez eux dans leur pays, dans le pays d'où ils venaient, les gens croyaient qu'ils avaient appris cette bid'ah de ilm al-Kalam avec l'imam Abu Hamid. Abu Hamid al-Isfaraini, mais c'était pas de lui, donc l'imam Abu Hamid al-Isfaraini, il fait exprès pour dire aux gens, soyez témoins que moi je dis pas la même chose que l'imam al-Baqilani, moi je dis que la parole d'Allah que c'est la parole d'Allah et qu'elle n'est pas créée, comme disait l'imam Ahmad, et non pas comme le dit l'imam al-Baqilani, pour que les gens sachent que ceux qui viennent étudier le fiqh et qui rentrent en cachette chez Ibn al-Baqilani, ils n'ont rien à voir avec moi. Et moi, je n'ai rien à voir avec eux. Et eux n'ont rien à voir avec moi. Comme ça, ils se désavouent d'eux et les gens vont savoir la vérité. Parce que, c'est ça, comme je dis, ils retournaient dans leur pays et ils montraient leur bid'ah et les gens pensaient qu'ils avaient appris ça de Abu Hamid al-Isfaraini. Hein? Et donc il dit, moi je voulais que les gens sachent que moi je n'ai jamais dit ça, et que ce n'est pas de moi qu'ils ont appris ça, et que je me désavoue de cette voie, ou de ce madhab de l'imam al-Baqilani et de sa aqida. La même époque. Et d'après moi oui, parce qu'il disait qu'il rentrait en cachette chez lui, il allait en cachette. Donc on va voir plus de détails maintenant. الشيخ قال الشيخ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخي الإمام أبو منصور الفقيه الأصفهاني يقول سمعت شيخنا الإمام أبو بكر الزاذقاني يقول كنت في درس الشيخ أبي حامد الإصفرايني وكان ينهى أصحابه عن الكلام وعن الدخول على الباقيلاني فبلغه أن نفرا من أصحابه يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام فظن أني معهم ومنهم وذكر قصة وقال في آخرها إن الشيخ أبا حامد قال لي يا بني قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل يعني الباقلاني وإياك وإياه فإنه مبتدع ويدعو الناس إلى الضلالة وإلا فلا تحضر مجلسي فقلت أنا عائذ بالله مما قيل وتائب إليه واشهد على أني لا أدخل إليه قال الشيخ أبو الحسن وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد ابن أبي سعد ابن علي العجلي يقول سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي وأحدهم قال وكان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام وكان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقعا خوفا من الشيخ أبي حامد الأسفرايني قال أبو الحسن ومعروف شدة الشيخ أبي حامد على أهل الكلام حتى ميز أصول الفقه ميز أصول فقه الشافعي من أصول الأشعري وعلق عنه أبو بكر الزازاقاني وهو عندي وبه وهو عندي وبه اقتدى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتابيه اللمع والتبصرة حتى لو وافق قول الأشعري وجها لأصحابنا ميزه وقال هو قول بعض أصحابنا وبه قالت الأشعرية ولم يعد هم من أصحاب الشافعي واستنكفوا منهم ومن مذهبهم في أصول الفقه فضلا عن أصول الدين donc le cheikh dit que Abu al-Hassan al-Karji il a dit j'ai entendu notre cheikh Abu Mansour al-Faqih al-Isfahani il disait j'ai entendu notre cheikh l'imam Abu Bakr al-Zazaqani qui dit j'étais assis dans le dars de Abu Hamid al-Isfarayni et il interdisait à ses compagnons d'étudier le kalam, ilm al-kalam et il interdisait d'entrer chez al-Baqilani et lorsqu'il a entendu qu'un groupe parmi ses élèves entrait chez al-Baqilani en cachette pour lire les livres de kalam, il a cru que j'étais parmi eux ou un d'entre eux. Alors il m'a mentionné une histoire, puis à la fin il a dit que le cheikh Abu Hamid lui a dit « Oh mon fils, j'ai entendu que tu rentres chez cet homme, al-Baqilani, alors prends garde à toi de cet homme parce que c'est un moubtadi', il appelle les gens à l'égarement, alors ne t'assois pas et ne va pas le voir et ne t'assois pas avec lui. Et si tu vas le voir, ne t'assois pas avec moi. Si tu vas en sa présence, alors viens pas à mes cours et à mes douros. » Alors, il dit, j'ai dit, je cherche refuge à Allah subhanahu wa ta'ala de ce qui a été dit et je me repens à lui et témoigner que je ne rentre pas chez lui. Donc lui, il a dit non, il dit j'ai dit non, que Allah me protège de ce qui a été dit et je me repens à lui, soyez témoin que je ne rentre pas chez lui. Donc lui, on avait dit à son sujet, le cheikh Abu Mansour, qu'il était dans le dars du cheikh al-Sara'ini et on avait dit que oui, le chef Abu Hamid croyait qu'il faisait partie de ceux qui allaient chez al-Baqilani en cachette et il lui a donc donné une nasiha et il lui a répondu en disant que non, qu'il ne fait pas partie de ces gens-là et il a témoigné de ça. On voit donc l'exemple là-dedans. Et puis après il dit, Ibn Taymiyyah a dit, et le chef Abu al-Hassan a dit, j'ai entendu le faqih, l'imam Abu Mansour, Saad, Ibn Ali al-Ajli qui disait « J'ai entendu plusieurs shuyukh et plusieurs imams de Bagdad et je crois que parmi eux c'est le cheikh Ishaq, Abu Ishaq al-Shirazi qui était un d'entre eux. » Ils ont dit « Le cheikh Abu Bakr al-Baqilani, il dit Abu Bakr al-Baqilani, il sortait parfois pour aller au hammam et il se voilait, il se cachait le visage par un masque. Ou bien il portait un masque pour y aller parce qu'il avait peur du cheikh Abu Hamid al-Isfarayni. Parce que le cheikh Abu Hamd al-Isfaraini, il était très dur avec les gens de Bid'a. Et donc, s'il le trouvait dans la rue, il risquait de peut-être lui le frapper même. Donc, c'est pour cette raison qu'il avait très peur de lui et il portait un masque pour sortir. Et le Sheikh Abu al-Hassan, il dit, قال أبو الحسن ومعروف شدة الشيخ أبو حمد على أهل الكلام حتى c'est très connu la dureté du Cheikh Abu Hamid contre les gens de Kalam à un tel point qu'il faisait même une distinction entre les fondements du fiqh de l'imam Shafi'i des fondements du fiqh ou des fondements de Al-Ash'ari. Il ne mélangeait pas les deux. Hein. Il faisait une distinction entre les deux pour que les gens sachent, pour que les gens sachent qu'il n'y a pas de lien entre les fondements de l'imam Shafi'i et les fondements de Al-Ash'ari. Hein. Pour que les gens sachent que c'est deux choses différentes. Contrairement à ce que les Shafi'i d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux, suivent. Ils prétendent qu'ils sont Shafi'i et ils suivent les fondements de qu'est-ce que l'imam Al-Ash'ari suivait. Al-Ash'ari, Abu al-Hassan, après avoir quitté les Mu'tazila, c'est-à-dire dans sa phase intermédiaire, avant de s'être repenti et d'avoir suivi la position de l'imam Ahmad. Et justement, à propos de ça, on a parlé du livre Al-Ibana, fi usul al-Diyana, et on a mentionné que l'imam Abu al-Hassan s'est repenti avant sa mort et qu'il a écrit Al-Ibana, et certains parmi les Asha'ira, ils ont nié cette réalité-là et ils prétendent que c'est un mensonge qui a été inventé à ce sujet-là. Et on a, en fait, j'ai trouvé les références dans l'introduction du livre Al-Ibana, parce qu'il est publié maintenant, il est disponible, et on en a une copie ici dans la bibliothèque, et j'en ai une à la maison aussi, et je lisais l'introduction, et le Cheikh Hamad Al-Ansari, rahimahullah, il a fait une introduction à ce livre, et dans l'introduction, il a mentionné tous les ulama et les shuyukhs qui ont attribué Al-Ibana à l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, parmi eux Ibn Asakir et d'autres parmi les imams qui sont mentionnés dans ce livre, et ils disent explicitement et clairement que le livre Al-Ibana fait partie des livres de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari. Donc, ceux qui nient ça, eh bien, ils nient une réalité. Et peut-être que si on a l'occasion, Inch'Allah, je lirai quelques petits passages et les noms des ulama qui ont attribué ce livre de Al-Ibana, qui ont confirmé que c'est le livre de Abu al-Hassan al-Ash'ari dans leur livre. Donc, entre autres, l'imam Ibn Asakir dans son livre Tibyan ou Bayan Kazib al-Muftari, yani il a écrit un livre qui s'appelle Tibyan ou Kazib al-Muftari ou Takzib al-Muftari, quelque chose dans ce sens. Ça ne me revient pas exactement le titre en ce moment. Oui, donc c'est juste pour dire qu'il a mentionné dans ce livre-là que le livre Al-Ibana fait partie des livres de l'imam Abu al-Hassan. Ibn Asakir est venu après, mais quand même il était proche et c'était quelqu'un qui si je ne me trompe pas, c'était un de ses élèves ou quelque chose comme ça. Non. Après, il dit Ok. Donc, il dit Wa'allaqahu anhu Abu Bakr Az-Zazaqani, wa huwa 'indi, wa bihi iqtada al-Sheikh أبو إسحاق الشرازي في كتابيه اللمع والتفسيرة حتى لو وافق. Donc il dit cette parole là du fait que l'imam Abu Hamid al-Isfaraini, il distinguait ou il faisait une différence entre les usuls de l'imam al-Shafi'i et les usuls de al-Ash'ari, il dit que ça, ça a été également pris en note ou pris en exemple par Abu Bakr al-Zadaqani, et il dit que il a écrit ça, et il dit que le cheikh Abu al-Hassan dit, et ça, je l'ai chez moi, je l'ai avec moi, cette parole-là qu'il a écrit à ce sujet-là, et c'est là-dessus que c'est basé, ou c'est l'exemple que le cheikh Abu Ishaq al-Shirazi a suivi dans ses deux livres, Al-Muma' et Al-Tabsira, à un tel point que s'il voyait que dans certaines questions, il y avait des choses qui étaient en accord, hein, s'il voyait que Al-Ash'ari, sur certains points, il était d'accord avec nos compagnons, il faisait une distinction et il disait huwa qawlu ba'di ashabina, c'est-à-dire c'est une position de certains d'entre nos compagnons, wa bihi qalat al-ash'ari, c'est-à-dire certains parmi les ash'ari ont dit ça, ou bien les ash'ari ont dit ça, et ils ne considéraient pas les ash'ari comme faisant partie des compagnons de Shafi'i, et ils détestaient qu'on les considère parmi les compagnons de l'imam al-Shafi'i, ou qu'on considère qu'il faisait partie des gens qui suivent son madhab dans ses fondements du fiqh, sans parler même des questions de fondement de la religion. Parce que là, c'est encore pire. Il détestait ça encore plus. Donc, ça, c'est pour montrer à ce sujet-là. Il dit tout le tout, وهذا المنقول عن أبي حامد وأمثاله من أئمة أصحاب الشافعي وأصحاب الوجوه معروف في كتبهم المصنفة وفي أصول الفقه وغيرها، وقد ذكر الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وأبو إسحاق الشيرازي وغير واحد بينوا، وعليكم السلام ورحمة الله، بينوا مخالفة الشافعي وغيره من الأئمة لقول ابن كلاب والأشعري في مسألة الكلام التي امتاز بها ابن كلاب والأشعري عن غيرهما، وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب والأشعري بها اختصاص. انظر الإصفرايني الأصفهانية pardon. Le cheikh, il dit, ça c'est les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, et qu'est-ce qui a été mentionné ici du cheikh Abu Hamid al-Isfarayini et de ses semblables parmi les imams et les compagnons de l'imam al-Shafi'i, c'est très célèbre dans leurs livres, on connaît ça dans leurs livres de Usul, Usul al-Fiqh, et ça, on a même mentionné que, ou bien l'imam Abu Hamid et Al-Qadi et Abu Tayyib et Abu Ishaq al-Shirazi et d'autres ont mentionné, et ont clarifié les contradictions de l'imam al-Shafi'i et des autres imams par rapport au, c'est-à-dire ils ont mentionné les contradictions des imams comme l'imam al-Shafi'i et les autres imams par rapport à la position de Ibn Kulab et al-Ash'ari en ce qui concerne le kalam. Donc, c'est-à-dire que les imams ont, c'est-à-dire, ils ont mentionné les distinctions et les divergences et les différences qui existent entre la position des imams et la position des Ash'ari et de Ibn Kulab en ce qui concerne le kalam. Et ils ont montré que la position de Ibn Kulab et de al-Ash'ari et d'autres parmi ces gens-là qui ont suivi cette voie-là, eh bien c'est une position qui est différente de celle des imams de Ahl-Sunnah wal-Jama'ah. Il dit sinon, dans les autres questions, c'est pas, c'est-à-dire sur les autres points, parmi les autres questions, eh bien Ibn Kulab et al-Ash'ari ne sont pas les seuls à avoir ces positions-là. C'est-à-dire, en dehors de la position de Al-Kalam, il y a d'autres que ces deux-là qui ont cette position-là également. Ça c'est dans l'Asfahaniya. قال أبو إسماعيل, là c'est une autre citation maintenant, les citations de l'imam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Ansari. ذكر السبكي في طبقاته أنه ذكر في كتابه ذم الكلام أنه كان يلعن أبا الحسن الأشعري وأنه ترك الرواية عن شيخه القاضي أبي بكر الحيري لكونه أشعريا. Donc ça c'est une citation à propos de l'imam Abu Ismail Abdullah ibn Muhammad al-Ansari al-Harawi. C'est un des grands imams, un des grands ulama qu'on appelle Cheikh al-Islam, Abu Ismail al-Ansari al-Harawi. Et cet imam, il dit que yani, l'imam al-Subki dans son livre Tabaqat, il a dit que يعني الإمام الهروي أذى dans son livre ذم الكلام, parce que l'imam الهروي il a un livre qui s'appelle ذم الكلام, c'est-à-dire le blâme de la, qu'est-ce qui a rapport avec علم الكلام, tout ce qui a rapport avec علم الكلام, pour montrer que c'est quelque chose de mauvais et que on doit s'en éloigner. Donc dans ce livre-là, c'est mentionné que il maudissait Abu al-Hasan al-Ash'ari. كان يلعن, il dit كان يلعن أبا الحسن الأشعري, et il dit qu'il a abandonné la narration des hadiths de son cheikh qui s'appelait Al-Qadi Abu Bakr Al-Hayri ou Al-Hayri. Pourquoi? Parce que c'était un Ash'ari, parce qu'il considérait les Ash'ari comme étant des Mubtadi'a. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ça c'est la fin de la citation de As-Subki dans At-Tabaqat. Maintenant, le Cheikh dit, وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى كان إسماعيل كان أبي إسماعيل non pardon كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي صاحب كتاب ذم الكلام فإنه من المبالغين في ذم الجهمية لنفيهم الصفات وله كتاب وله كتاب تكفير الجهمية وبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث وربما كان يلعنهم وقد قال له بعض الناس بحضرة نظام الملك أتلعن الأشعرية قال ألعن من يقول ليس في السماوات إله ولا في المصحف قرآن ولا في القبر نبي وقام من عنده مغضبا انتهى كلامه. Donc ça, c'est l'imam Ibn Taymiyyah ici, il mentionne la même chose que l'imam al-Subki, mais avec plus de détails. Et il dit que Abu Ismail al-Ansari al-Harawi, celui qui a écrit Zamm al-Kalam, le livre Zamm al-Kalam, il faisait partie de ceux qui allaient à l'extrême dans la critique des Jahmiyyah, pour avoir nié les attributs, parce qu'ils avaient nié les attributs. Et bien entendu, en ce qui concerne les Jahmiyyah, il n'est pas le premier à avoir critiqué les Jahmiyyah, même que ça a été rapporté de la part de même jusqu'à 500 parmi les ulama de Ahl al-Sunnah wal Jama'a qui ont déclaré les Jahmiyyah comme étant des kuffars. Et l'imam même Abu Ismail al-Harawi a un livre qui s'appelle Takfir al-Jahmiyyah, c'est-à-dire la mécréance des Jahmiyyah. Non. Et il dit que également il critiquait les Ash'ariyah, la secte des Ash'ariyah, Ash'ara, et malgré que c'est un des groupes les plus proches de Ahl Sunnah et de Ahl al-Hadith parmi les groupes de Bid'ah, toutefois il les maudissait. Et certaines personnes, lorsqu'il était en présence de Nizam al-Mulk, un des dirigeants, quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu maudis les Ash'ariyah ou les Ash'ara? Il a répondu, il a répondu en disant, je maudis celui qui dit, il n'y a pas de Dieu dans les cieux. C'est-à-dire au-dessus des cieux. Parce que les Ash'ara, les Jahmiya, les Mu'tazila, ils nient al-Istiwa. Yanfun al-Istiwa à la large. Et celui qui dit qu'il n'y a pas de Coran dans le Mus'haf, parce que les Ash'ara, Et les Asha'ira, ils disent que qu'est-ce qui est dans le Mus'haf, c'est makhlouq, c'est créé, c'est pas la parole d'Allah. Et les autres nous disent que la parole d'Allah est créée, qu'Allah ne parle pas. Il y a une foule al kalam, هذه الصفة ينفونها ويؤولونها إلا دفام إلا ني et ils disent que Allah il n'a pas une parole, il ne parle pas, mais il a créé une parole, puis c'est ça ce qu'on a entendu. La Sha'ira, ils disent que non, Allah il a la parole, sauf que c'est une parole qui est éternelle, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, hein, qui est une seule parole, qui n'est pas audible, qui n'est pas composé de lettres, hein, et donc pour eux, qu'est-ce qui est dans le Mus'haf, c'est pas la parole d'Allah, c'est créé. Et qu'est-ce qui est la parole d'Allah, c'est qu'est-ce que j'ai décrit tout à l'heure, hein, ça pour eux c'est ça Al-Kalam, une parole qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui est éternelle, qui n'a pas de lettres, qui n'est pas audible, qu'on ne peut pas entendre, donc ça c'est pour eux, c'est ça Al-Kalam. Et quand ils disent par exemple, que comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa kallama Allah Musa taklima, ils disent que Allah il n'arrête jamais de parler, c'est-à-dire sa parole est éternelle, elle n'a pas un début, elle n'a pas de fin, donc il parle tout le temps. La différence c'est que il lève le voile, hein, à certaines personnes pour que les gens puissent entendre quelque chose, hein. En tout cas ça c'est dans leur livre, quand tu regardes la description tu vois que yani, c'est des paroles bizarres. عندهم الكلام هو الكلام النفسي. يقولون الكلام الغير المخلوق هو الكلام النفسي. وعندما يقولون بالصفات يعني مثلا يقولون ينفون العكس او ينفون عكس الكلام مثلا ضد ما يضاد العلم هو الجهل فينفون الجهل. وما يضاد الكلام هو الصمت أو السكوت أو الخرس، ها؟ فهم يقولون الكلام هو الكلام النفسي، والكلام ما يضاد الكلام النفسي هو السكوت النفسي. وهل السكوت النفسي سكوت يعني السكوت النفسي ما هو؟ ça fait pas de sens. Donc c'est des exemples de d'absurdité dans les paroles des Asha'ira dans leur livre. Bon, après qu'est-ce qu'il dit ? Je maudis celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus des cieux, et celui qui dit qu'il n'y a pas de Coran dans le Mus'haf, et celui qui dit qu'il n'y a pas de prophète dans la tombe, il s'est levé et il est parti en colère. Non, pas le prophète, il s'est levé, l'imam al-Harawi, il s'est levé puis il est parti en colère. Tu comprends? Parce que quelqu'un lui a demandé, est-ce que tu maudis, il s'est levé puis il est parti, il s'est choqué. Non, c'est le contraire. En fait, je pense que l'imam al-Harawi, c'est le cheikh de Ibn Taymiyyah. Non. Non. Donc, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? En fait, l'imam al-Harawi, il a dit dans, il y a une parole qui est attribuée à lui qu'on dit que, أردت بالسيف خمس مرات. في كل مرة لا يقال لي ارجع عن مذهبك ولكن يقال اسكت عن من خالفك وأقول لا اسكت. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'imam al-Harawi, cinq fois ils sont venus le voir avec l'épée pour lui dire, et l'imam al-Harawi dit, ils sont venus cinq fois me menacer avec l'épée. Ils ne disent pas laisse tomber ta position ou change ta croyance. Ils me disent seulement ne parle pas contre ceux qui sont pas d'accord avec toi. Et à chaque fois je dis je ne vais pas me taire. C'est-à-dire, je ne veux pas cesser de les de critiquer ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, ou ceux que j'ai contredit. Et c'est ça qu'aujourd'hui, c'est ça ce que les jeunes bid'a aujourd'hui, ils n'aiment pas. C'est-à-dire, les jeunes bid'a aujourd'hui, ils disent, tout le monde est libre de croire en ce qu'il veut. Tout le monde a le droit de penser comme il veut. Alors, yani, ça c'est leur opinion. Ils veulent que tout le monde ait la liberté de faire des bid'a, ou de dire des paroles de kufr, ou de dire des paroles de shirk, ou de dire des paroles de bid'a, et de penser comme ils veulent. Yani, il y a des gens aujourd'hui qui, parmi des ignorants, parmi des égarés, des gens de bid'a, des gens de jama'at, des ahzab, qui croient ça, qui pensent comme ça. Et pourtant, quand tu les critiques, ils te disent, arrête de nous critiquer, pourquoi tu nous critiques? Mais si vous dites qu'on a le droit de dire ce qu'on veut, et de penser ce qu'on veut, et la liberté d'expression, pourquoi j'ai pas le droit de vous critiquer? Et pourquoi j'ai pas le droit de montrer les erreurs que vous faites? Ils veulent qu'on se taise, et qu'on ne mentionne pas leurs erreurs, pour qu'ils puissent continuer à tromper les gens, et à égarer les gens. Donc ça c'est des exemples, des citations des imams, et il mentionne une autre parole ici, c'est un poème, il dit « Muhammad ibn Abdul Malik, ibn Muhammad ibn Omar, ibn Muhammad al-Karji, Abu al-Hassan al-Shafi'i », ça c'est l'imam que l'imam Ibn Taymiyyah tout à l'heure, il citait les paroles de cet imam tout à l'heure, Abu al-Hassan al-Karji, al-Shafi'i. Donc on a lu tout à l'heure ces paroles. تقدم نقل ابن تيمية كلامه عن الأشعرية. Lorsqu'on a parlé de Abu Hamid al-Isfarayni, c'était les citations mentionnées par cet imam, Abu al-Hassan al-Karji. Et il dit وقد نقل له السبكي في طبقاته أبياتا في ذم الأشعرية. فقال رحمه الله. Donc l'imam al-Subki il a mentionné dans ses tabaqat des vers de poèmes, de poésie qui sont attribués à cet imam au sujet de la critique des Ash'ara. Là, je vais essayer de le lire, mais il y a des mots que j'ai pas trouvé leur signification, donc je pourrais pas tout traduire. Mais quand même, je vais essayer de lire une partie pour juste pour dire que, inshallah, vous allez avoir une petite idée. Il dit خبث أو خبث ما قال الأشعري وتخنث يضاهي تلويه تلويه الشغازبي يزين هذا الأشعري ما قاله ويقشبه بالسم يا شر قاشب فينفي تفاصيلا أو يبسي تفاصيلا فينفي تفاصيلا ويثبت جملة كناقده من بعد شد الزوائب ويؤول آيات الصفات برأيه وجرأته في الدين جرأة الخارب. Donc, يعني il décrit un peu la عقيدة الأشاعرة, et il les décrit comme avec les termes comme الخبث et التخنث. Pourquoi? Parce qu'il y a des imams qui ont décrit les Ash'a'ira en parlant d'eux, ils ont dit que Al-Mu'tazila, ils ont dit Al-Mu'tazila, alors ils ont dit, non, ils ont dit Al, oui, ils ont dit Al-Mu'tazila, Al-Jahmiyatul Zukur, wa Al-Ash'ariya, hum Al-Jahmiyatul Inas. Et il y en a d'autres qui ont dit الأشاعرة مخنث المعتزلة أو مخنث الجهمية أو كيف شو اسمها. En voulant dire que les Ash'a'ira sont les Jahmiyyah femelles et les Mu'tazila sont les Jahmiyyah mâles. Donc pour dire de cette façon-là. Ou bien qu'ils sont disons la version efféminée des Mu'tazila ou des Jahmiya. Donc il les blâme de cette façon-là et il dit que il embellit ses paroles et il dit que il nie il nie de façon détaillée, mais il affirme de façon générale ou de façon globale. Donc en apparence, tu dis ah, il affirme les attributs, mais quand tu regardes dans les détails, quand il spécifie, il nie. Hein, il dit par exemple al kalam Allah, kalam azali, la yani يعني لا حرف له ولا صوت وليس له يعني يعني ينفي ولكن في لا الأشعرية ولكن ظاهر الظاهر يثبت يقول نعم نقول بالكلام وأنه كلام الله غير مخلوق هكذا يقولون ولكن عندما يفصلون ينفون donc ça c'est la méthode un peu comme la ruse des loups c'est ça ce qu'il dit c'est ça C'est comme une sorte de traîtrise, une sorte de ruse qu'ils utilisent. Puis ils déforment l'essence des attributs et ils les interprètent selon ses opinions personnelles. Et donc ça c'est un exemple. Après, ils mentionnent les paroles de Al-Qahtani dans sa Nouniya. Il dit Al-Qahtani fi Nouniyatihi. الرائعة إذ قال يا أشعرية يا أسافلة الورى يا عمي يا صم بلا آذان إني لأبغضكم وأبغض حزبكم بغضا أقل قليله أبغاني لو كنت أعمى المقلتين لسرني كي لا يرى إنسانكم إنساني وقال يا أشعرية يا جميع من ادعى بدعا وأهوى بلا برهان جاءتكم سنية مأمونة من شاعر ذرب اللسان معاني dans ce poème là il s'adresse aux Asha'ira en disant que c'est des gens qui sont bas et qui sont aveugles et qui sont sourds et qui n'ont pas d'oreilles. Et il dit qu'il les déteste et qu'il déteste leur groupe. Et il dit que il y a des choses que j'ai pas compris dans ce poème, mais bon, on comprend quand même qu'il les décrit comme étant des gens bas et tout ça. Et il les décrit comme ayant amené des bid'ah sans aucune preuve et des ahwa et donc des choses de ce genre. Après il dit wa qala l'imam ibn Taymiyyah. Bon là le cheikh il mentionne maintenant les paroles de l'imam ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Nous on va s'arrêter ici, puis la semaine prochaine inshallah on va mentionner donc les citations de l'imam ibn Taymiyyah, puis après il y a ibn al-Qayyim et l'imam après Sulaiman bin Sahman et Abdullah ibn Abdurrahman Abba Batin et l'imam Al-Albani et Ibn Uthaymeen et Cheikh Al-Fawzan. Donc ça c'est inshallah pour la semaine prochaine bi'ithnillah. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa iyyakum akhi.